trois amis. Telle fut l'histoire de mes trois amis. Vivons! Un dernier coup, messieurs, à Olympia, à Julietta, à Antonia. Viva! La représentation est terminée, monsieur. Dieu, c'est la diva qu'on acclame. À moi, la belle. Oui, Stella. Sous les trois aspects de sa vie, artiste, courtisane, jeune fille. Buvons à cette aimable synthèse.